7h44 minutes avec Valérie Levé, notre chroniqueuse, animatrice de l'émission Futur Simple et journaliste scientifique. Bonjour Valérie. Bonjour Caroline. Bien heureuse de te retrouver ce matin pour discuter avec toi de la qualité de l'air. On en a parlé beaucoup, hein. Qualité de l'air, ça rime presque avec Limoilou. Il y a eu le rapport sur la qualité de l'air justement qui a été dévoilé il y a quelques jours ou quelques semaines en tout cas. Et bref, là tu poursuis sur cette thématique-là, mais on va plutôt se concentrer sur la pollution de l'air et le rapport avec la santé. Quel lien a-t-il? C'est bien beau de savoir que l'air est pollué, mais qu'est-ce que ça fait sur ma santé? Oui, ben j'avais envie de parler de ce sujet parce qu'hier, il y avait un colloque sur la santé, la qualité de l'air au Centre Hauteur Environnement de l'Institut national de la recherche scientifique dans Saint-Roch. J'y étais et en ouverture, le docteur François Rives a donné pour mettre la table à cette journée de conférence, il a donné une conférence sur la pollution de l'air et les effets sur la santé. Donc François Rives, il est cardiologue d'intervention et professeur agrégé de médecine à l'Université de Montréal. Et il traite des patients atteints d'athérosclérose. Oh! Alors, oui, donc c'est un gros mot là, athérosclérose, mais donc... C'est comme l'arthrose du poumon? Non, je fais des raccourcis. Ben là, en fait, c'est surtout dans les artères. Donc, oh, ah oui, artéro, oui, oui. C'est quand la... En fait, c'est athérosclérose, hein, et pas artériosclérose. Ah, d'accord, donc, oui. Athérosclérose. C'est quand une plaque de dépôt graisseux se forme dans une artère au point de bloquer la circulation du sang. Ah oui, ou okay. Des risques d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral et diverses maladies cardiovasculaires. Et on sait que c'est quand même des maladies assez fréquentes. Et d'après l'OMS, ces maladies cardiovasculaires tuent chaque année 17 millions de personnes. Ah oui. Ouais, c'est 31% de la mortalité mondiale, donc c'est vraiment pas anodin. Et en fait, c'est la première cause de décès. La manière courante pour traiter l'athérosclérose, on en a tous un petit peu entendu parler, hein, c'est quand on pose un stent, c'est-à-dire quand on insère un ballonnet pour gonfler l'artère et permettre au sang de circuler à nouveau. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que j'avais pas de nom sur ça, là, l'athérosclérose, mais ça... C'est connu, là, on connaît. Voilà, on connaît ça, là, on en a entendu parler, même si on connaissait pas le gros mot. Oui, mais alors, est-ce qu'on connaît, là, j'ai l'impression qu'on va faire des liens bientôt, mais quelles sont les causes, justement, de cette athérosclérose, voilà? Voilà, alors, il y a une étude aux États-Unis qui existe depuis 1948, c'est la Framingham Heart Study, c'est coordonné par l'Université de Boston, et ça suit les maladies cardiovasculaires donc depuis trois générations de personnes, donc beaucoup de personnes, pour voir un petit peu quels sont les facteurs de risque, quelles sont les habitudes de vie de ces gens-là, et est-ce que parmi eux, il y a des gens qui ont développé diverses maladies cardiovasculaires. Ouais. Et il s'avère que les facteurs de risque, en fait, on les connaît quand même, on en a déjà entendu parler maintenant. Donc, oui, il y a de l'hérédité, mais il y a aussi le diabète, le cholestérol, l'hypertension, la sédentarité, l'obésité, le stress, le tabac. Donc, ça fait beaucoup de choses aussi qu'on connaît, hein, la sédentarité, le stress, le diabète, c'est tous des éléments qu'on connaît et ça peut déboucher sur une maladie cardiovasculaire. Ouais, ça, on en entend beaucoup parler. Puis même, on a parlé récemment de l'alcool. Là, je sais pas si ça fait partie de ça à moindre échelle, mais en tout cas. Bah, peut-être que ça débouche sur certaines de ces composants de ces facteurs de risque. Oui, c'est là, des fois, c'est des cascades. Oui, c'est ça. Donc, il y a aussi autre chose. C'est qu'il y a les données de l'OMS de 2008 qui donnent un autre indice sur les décès par maladie cardiovasculaire dans les pays d'Europe, parce qu'on s'aperçoit que, donc en fait, le taux de décès est variable d'un pays à l'autre, et on s'aperçoit que là où il y en a le moins, selon ces données de l'OMS, c'est en Suisse avec 84 décès pour 100 000 habitants, et là où il y en a le plus, à l'autre extrême, c'est en Russie, où il y en a près de 1000 décès pour 100 000 habitants. Ah oui. Donc là, il y a vraiment un grand écart entre 84 et 1000. C'est vraiment un grand écart. Et entre les deux, on trouve des décès importants dans les pays de l'Est et du Nord de l'Europe. Et plus on va vers l'Ouest et vers le Sud, moins il y a de mortalité par maladie cardiovasculaire. C'est assez étrange. OK, il y a une corrélation avec la géographie. Est-ce voilà, que c'est bien ça? Il y a un gradient, en fait. Ouais. Et il y a une étude allemande qui arrive à peu près au même résultat avec des décès moindres en Espagne, Portugal, France, Italie. Et en se déplaçant vers la Suisse, les Pays-Bas, la Grèce, ça augmente. Et plus on se déplace vers l'Est, plus ça augmente avec les pays, la Pologne et les pays de l'Est. Donc, ouais, vraiment, il y a un effet géographique. Et pourtant, on mange beaucoup de fromage en Suisse. Je fais des blagues. Alors, mais j'imagine que plus sérieusement, on a étudié ces différences-là et pour le pourquoi, là. Oui, ben François Rives, il s'est interrogé sur cette relation entre les décès cardiovasculaires et la géographie. Mm-hmm. Et en fait, il s'est interrogé sur notre interaction avec l'environnement. On est en interaction avec l'environnement par ce qu'on mange, par ce qu'on boit et aussi par ce qu'on respire. Eh oui. Donc, on mange 1 kilo de nourriture par jour. On boit 2 litres d'eau par jour, bon, en moyenne. Hein. Oh non, oui, c'est ce qu'il faudrait. On avait jusque-là beaucoup regardé les effets sur la santé de ce qu'on mange et de ce qu'on boit, et on avait un peu moins regardé les effets de ce qu'on respire. Mais on respire 20 litres d'air par jour. Donc, même si donc, c'est, par rapport à 2 litres d'eau ou 1 kilo de nourriture, c'est quand même beaucoup, 20 litres. Et ça, on n'a pas le choix de respirer. Là. On peut dire qu'on ne boit pas 2 litres d'eau, mais on n'a pas le choix de respirer pas loin de 2 litres d'air par jour, là, dépendamment de sa capacité pulmonaire. Exactement. Ouais. On a un peu moins le choix. Là. Dans la nourriture, on peut mettre un peu ce qu'on veut dans notre assiette, mais dans le nez, on prend l'air qui est autour de nous. Donc, s'il y a des contaminants, même en faible concentration, bah, vu la quantité d'air respiré, on va respirer ces polluants. Et quand on compare les cartes de mortalité cardiovasculaire en Europe avec les cartes de distribution du smog, c'est drôle, mais elles se superposent plutôt bien. Ah, ben tiens. Ouais, donc alors, la mortalité cardiovasculaire augmente quand on se déplace vers l'Est et le Nord de l'Europe, mais de la même façon, il y a plus de smog au Nord et à l'Est, simplement parce qu'il fait plus froid et que les gens ont besoin de se chauffer davantage avec différents modes de chauffage qui ne sont pas toujours très propres. Et il y a plus de pollution à l'est qu'à l'ouest à cause des vents dominants. Ah oui, voilà la relation. Et on fait la même observation en Amérique du Nord où les régions où il y a le plus de mortalité cardiovasculaire sont aussi celles où l'air est le plus pollué. Et en fait, on aurait pu avoir la puce à l'oreille de tout ça parce que déjà à Londres, en 1952, en décembre 52, il y avait eu un intense épisode de smog qui avait coïncidé avec un accident de 12 000 décès. Donc, le smog tue. Eh oui, puis ça, je fais juste une parenthèse. C'est ceux qui ont suivi The Crown, il y a un épisode justement sur cet épisode de smog-là qui a fait l'histoire là, avec Churchill qui devait gérer. Alors, on comprend bien que... Puis on le voit aussi quand il y a des épisodes de smog, les gens qui sont à risque sont plus vulnérables ici, là, l'été aussi. Alors, donc, la pollution de l'air, c'est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires, là. Clair, là, maintenant. Exactement. Donc, on savait, comme je l'avais dit plus tôt, que les facteurs de risque, c'était le diabète, le cholestérol, l'hypertension, sédentarité, obésité, stress, tabac. Mais il faut ajouter la qualité de l'air. Et d'où la triade du professeur François Rives pour expliquer l'athérosclérose. Donc, ça dépend de ce que je suis, c'est-à-dire est-ce que j'ai du cholestérol, est-ce que je fais de l'hypertension, est-ce que j'ai du diabète. Ça dépend de ce que je fais. Est-ce que je suis sédentaire? Est-ce que je fume? Est-ce que je suis en situation d'obésité? Ben oui. Et ça dépend de où je suis, où je vis, dans quel environnement. Donc, dans quel environnement urbain, est-ce que je suis dans un environnement pollué? Et aussi dans quel environnement alimentaire, donc qu'est-ce que je mange finalement? Ah oui. Et là, donc, on voit qu'il y a des interactions entre ces trois, ce que je suis, ce que je fais et où je suis. Parce que l'aménagement urbain va déteindre sur la sédentarité, l'environnement alimentaire va déteindre sur l'obésité, sur le diabète. Et finalement, c'est un peu la conjonction de ces trois, de cette triade qui permet à François Rives d'écrire un peu une équation sur le taux de mortalité cardiovasculaire qui serait l'addition du taux de pollution plus le taux d'industrialisation alimentaire, parce que les aliments transformés sont pas bons pour la santé, Plus c'est le des taux compagnies. De minéralisation plus le taux de sédentarité. Alors, si on égale tout ça, si on additionne tout ça, on a des fortes probabilités. Enfin, ça va pas bien. Donc, si l'athéosporose dépend d'où on vit, là, est-ce qu'on est plus à risque forcément? Enfin, je te pose la question et je te mets pas la réponse dans la bouche, mais est-ce qu'on est plus à risque si on vit dans un endroit pollué, près d'une route, d'une usine, par exemple? Ben oui. Exactement. Ouais, donc, les études se sont affinées un petit peu pour étudier cette relation entre la pollution atmosphérique et la mortalité cardiovasculaire. Donc, il y a toute une flopée d'études, mais François Rives en a montré quelques-unes. Donc, à Boston, par exemple, il y a une étude qui a montré qu'un pic de pollution était suivi d'un pic d'infarctus. Et c'était Ouais, c'était pas anecdotique, là. C'était pas 3 ou 4 infarctus. Ouais. Il y a vraiment un pic. Pas lié au hasard. Ouais, c'est exactement. En Hollande, il y a une étude qui a montré une augmentation de la mortalité cardiovasculaire quand on vit près d'une route polluée. Il y a aussi au Canada une étude qui montre qu'il y a 15 à 25% plus de mortalité cardiovasculaire quand on vit à moins de 50 mètres d'une route polluée. Quand on dit route polluée, c'est qu'une route pollue, point, là, ou une... Bah, c'est parce qu'il y a des routes à plus ou moins grand trafic. Ah, donc, d'accord, si oui, oui, l'achalandage. Très achalandé, ou si c'est un boulevard urbain, c'est pas la même chose. Ah oui, je pense à Louis XIV, ici, là, en ville, un peu plus loin, là, qui est très... avec les camions qui roulent sur le... Oui, OK, ça, c'est une route polluée. Ben oui, c'est ça, ou même à Limoilou, avec l'autoroute qui passe au-dessus, là, les bretelles qui passent au-dessus, donc la pollution qui se déverse sur le quartier en dessous, c'est pas sympathique. Ouais, effectivement, tu as bien raison. Ouais. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la pollution provoque une inflammation dans le corps. Hein. Les cellules, elles sont un peu exacerbées par cette pollution. Ça augmente des problèmes de calcification artérielle, les thromboses, des arythmies cardiaques, les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, comme ce qui est inclus dans les maladies cardiovasculaires. Ouais, ouais. Mais la pollution routière, ça n'entraîne pas que des maladies cardiovasculaires. Ça déteint sur d'autres problèmes de santé. Et là, tous les âges sont concernés. Par exemple, chez les personnes âgées, il y a plus de Parkinson, plus d'Alzheimer. Mais oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est que c'est quand même assez large. Alors, les pourcentages, la relation n'est pas directe. C'est vrai que les principaux risques, c'est quand même les maladies cardiovasculaires, mais on trouve quand même des relations avec d'autres problèmes de santé. Mm-hmm. Pour les femmes enceintes, c'est le risque d'accoucher d'un bébé de petit poids, par exemple. Pour les enfants, il y a le développement de l'asthme, il y a des retards de développement, donc il y a des conséquences quand même aussi pour les enfants. Mm-hmm. Et c'est au point où, en 2003, la Californie a interdit la construction d'écoles à moins de 500 pieds d'une route à fort trafic. Ah ouais, c'est intéressant. C'est intéressant cette constatation-là, parce que je pense qu'au Québec, puis sans doute dans le reste du Canada, il y a pas mal d'écoles quand même qui sont prêtes, qui sont à proximité de routes à fort trafic. Mais je confirme, pour aller en Suisse quelques mois par année, les auditeurs le savent, là, je vais arrêter d'en parler, mais c'est vrai que j'ai l'impression à chaque fois de prendre un bol d'air et que sur ma santé, ça fait du bien. C'est fou, là, mais c'est sûr que j'habite pas dans un centre urbain, là, j'habite dans un petit village, mais on le sent vraiment. Et ce 2 mois-là redonne une sorte de vitalité à mon corps. Puis je suis pas la seule. Là. Mm-hmm. Alors je confirme qu'effectivement, ça me fait créer des liens dans ma tête. Là. Et toute cette pollution-là dont tu parles près des routes, par exemple, ça doit avoir un coût aussi là. Tu sais, maladie cardiovasculaire. Maintenant, on en meurt plus, pas nécessairement. En tout cas, il y a de la mortalité, oui, mais parfois on survit et ça a un coût là. Ben exactement, c'est que toutes ces maladies, toutes ces personnes atteintes de maladies cardiovasculaires et ce qui découle aussi, ça entraîne beaucoup de coûts en soins de santé. Le Santé Canada estime à un peu plus de 15 000 décès prématurés par année dus à la pollution et 4 000 décès au Québec. C'est quand même pas mal. Hein? Pas mal, ouais. Donc, et ça, c'est sans compter... Par année. Par année. Et c'est sans compter tous ceux qui sont malades, il faut les soigner, faut les traiter. Et donc, le coût de santé est estimé pour le Canada à 120 milliards de dollars en 2016. Mm-hmm. 120 milliards de dollars pour traiter les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. C'est 6% du PIB. Eh oui, c'est quand même important. C'est vertigineux, là. Faut s'arrêter pour y penser. Ouais. Ouais, non, mais faut vrai. Je ne sais pas si on investissait 120 milliards de dollars dans l'environnement. Ben voilà, c'est ça le truc. C'est que ça vaudrait vraiment le coup de s'occuper de la qualité la qualité de l'air. Alors c'est vrai que les mesures préventives pour contenir la pollution, ça coûte cher, mais quand on voit les coûts en santé qui sont liés à la pollution de l'air, ce coût-là, il vaut le coup, je dirais. Oui, tout Tout à fait. Tout à fait. Puis là, tu sais, c'est la fin de la chronique, mais on n'a pas parlé du de l'aspect psychologique aussi quand on vit dans un environnement pollué. On verra peut-être que les recherches scientifiques vont nous démontrer que psychologiquement... Il y a sans doute déjà des études un petit peu là-dessus. Hein. Je suis sûre que ça existe. On s'en doute. Les gens de Limoilou sont assez bien placés pour sentir que des fois, ça sent pas bon. Oui. Et ils doivent être stressés de savoir qu'est-ce qu'ils respirent. Est-ce que c'est bon pour leur santé ou pas? Ben c'est ça. Forcément, quand c'est dans le mental, ça se traduit dans le corps aussi. Là. Voilà, donc on se pose des questions. Bon, c'est sûr que de vivre à côté de vivre dans la pollution, c'est sûr qu'on se demande est-ce que je suis en train de porter atteinte à ma santé? Ben oui, stress, clairement, tout ça. Là. Puis l'été, ça crée des îlots de chaleur, cette pollution-là. Oui. La chaleur, ça incommode. Bon, bref, c'est une roue qui tourne. En tout cas, c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis j'ai une petite question pour revenir au début de ta chronique. Tu parlais du Centre Eau-Terre-Environnement de l'Institut national de recherche scientifique dans Saint-Roch. C'est à quel endroit, ça? Est-ce que c'est l'INRS? Oui, c'est ça, c'est l'INRS. Ah, d'accord, voilà, OK. Si je dis l'INRS, bon, peut-être que ça va pas être très clair, mais oui, c'est l'INRS, donc c'est dans le carré, là, au jardin Jean-Paul Lallier. Voilà, tout c'est juste ça. En face. OK. En face, voilà. Je me disais, mais ça m'a échappé. Je vois, c'est où. OK, merci beaucoup, Valérie Levé.